إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. Et lorsque ton Seigneur a dit aux anges: je vais mettre un khalif sur terre, ils ont dit: tu vas mettre quelqu'un sur terre qui va y commettre la turpitude, y verser le sang. Alors que nous sabbihu bihamdika, nous te rendons la perfection. Admettons que tu es dénué de toute imperfection et nous te rendons la perfection. Wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Et Allah Azza wa Jalla a dit: et je sais ce que vous ne savez pas. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Idha qala Allah Azza wa Jalla wa idha qala rabbuka. Et lorsque ton Seigneur a dit: rabbuka linnabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ici Allah Azza wa Jalla parle à son prophète. Rabbuka al-damirka, yani linnabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Lil malaika, les anges, lorsqu'il a dit aux anges, wal malaika jam'u mal'ak, tayyib, min al-aluka wa hiya ar-risala. Mal'ak, ça ça a le sens de messager, tayyib, ça vient de al-aluka. Al-aluka, c'est ar-risala, c'est-à-dire un message. Tayyib. Wal-malaika, les anges, font partie du monde de l'invisible. Allah Azza wa Jal khalaqahum min nur. Il les a créés de lumière. Et ils ont différentes fonctions, ainsi que ils ont des ailes, et certains ont un nombre d'ailes bien défini, d'autres en ont plus. Et parmi les fonctions bien définies, il y a celle de la révélation qui est donnée à Jibril, alayhi salat wa salam, la végétation et la pluie donnée à Mikaïl, à Israfil pour souffler dans la trompe, et Malik al-Mut pour reprendre l'arwah, c'est-à-dire les âmes des fils d'Adam, c'est-à-dire de l'être humain. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. On va y mettre sur terre khalif. طيب ونحن نسبح نسبح. Lorsque les anges ont dit Allah Azza wa Jalla نسبح ونحن نسبح, c'est-à-dire que c'est comme s'ils disaient: tout ce qui est du domaine des attributs qui comporte une imperfection, on ne te louera jamais avec ces choses-là, avec ces noms qui marquent une imperfection. Bien au contraire, on te louera toujours نسبح بحمدك. On te louera toujours avec des noms parfaits. Avec des noms parfaits. Mais tout ce qui est du domaine de l'imperfection, jamais on te l'attribuera, on ne t'attribuera des attributs qui marquent une imperfection. Wa nuqaddisu. At-taqdis ma'nahu at-tathir. La purification. Dans le sens où Allah Jalla wa Ala, lui, il purifie, subhanahu wa ta'ala, comme il purifie par exemple les âmes. Min al-fawa'id, ithbatu al-qawl lillahi Jalla wa Ala. Le fait qu'Allah Azza wa Jal dit, puisque qala Allah tabaraka wa ta'ala fi hadhihi al-aya, wa idh qala rabbuk, qala rabbuka. Hadha dalil ala anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa yaqul. قال ربك وإذ قال ربك. Ça prouve bien qu'Allah Azzawajal dit, puisque Allah Azzawajal lui-même se l'a attribué lorsqu'il a dit, lorsque ton Seigneur a dit. Hein? Donc on est obligé de l'affirmer, d'affirmer cette sifat, cet attribut à Allah Tabaraka wa Ta'ala. ومن الفوائد أن الملائكة ذو عقول يعني العقل. On a la preuve que les malaïka ils ont l'aql. Pourquoi? Parce que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur parle, c'est qu'ils comprennent ce qu'Allah azza wa jal leur dit. Or il faut être doté de raison pour comprendre ce que l'on te dit. Il faut être doué de raison pour comprendre ce que l'on te dit. Donc si Allah azza wa jal parle et il leur dit إني جاعل في الأرض خليفة et qu'ils répondent, c'est qu'ils comprennent ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a dit, ce qui prouve qu'ils ont l'aql. وإثبات الأفعال لله جل وعلا هو يفعل ما يشاء متى يشاء كيف يشاء. Et on a la preuve que Allah Azza wa Jalla fait. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, de la manière qu'il le veut. Quand il veut, de la manière qu'il le veut. Subhanahu wa ta'ala. Et contrairement aux gens de l'innovation qui enlèvent des attributs à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il s'est octroyé lui-même, eux ils les enlèvent. Tayyib. Donc il est étonnant, comme il dit Cheikh ici, il est étonnant que des gens enlèvent les attributs à Allah subhanahu wa ta'ala et en cherchant par cela à ramener la perfection de leur Seigneur et qui en vérité ne font que ramener l'imperfection chez leur Seigneur. Puisque si ils enlèvent ces attributs à Allah Azza wa Jalla, ça veut dire qu'ils limitent leur Seigneur. Hein? Ça veut dire que leur Seigneur, ni il ne voit, ni il n'entend, ni il ne sait, hein? Ni il ne rit, comme il s'est mentionné dans certains hadiths, ni il ne s'étonne, comme c'est mentionné dans certains hadiths. En vérité, ils ne font que diminuer leur Seigneur. Hein? C'est comme s'ils voulaient empêcher leur Seigneur qu'il fasse telle chose ou telle chose ou telle chose. Alors qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala lui-même s'est attribué ses attributs fil kitab wa fi sunnah. ومن الفوائد قيام الملائكة بعبادة الله عز وجل ونحن نسبح بحمده ونقدس لك. On a ici la preuve lorsque les malaïka ils ont dit ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك, c'est-à-dire قيام الملائكة بعبادة الله جل وعلا, qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il passe tout leur temps dans l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. هذا الدليل على كراهة الملائكة لإفساد في الأرض. يقول الله عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. On a la preuve que les anges détestent que le désordre soit commis sur terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit à Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas mettre quelqu'un sur terre qui va y commettre le désordre et qui va y verser le sang. Dans le sens où ils détestent cela. C'est bien la preuve qu'ils détestent que le façad ainsi que le sang versé soient commis sur terre. On a aussi le dalil qu'il est permis à l'homme quelquefois de rappeler le bien qu'il fait, si c'est pour une maslaha, quand il y a un bien à le faire. Quand il y a un bien à le faire. Comme par exemple, lorsque les malaïka ils ont dit « Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ». Est-ce qu'ils ont dit ça par orgueil ou par ostentation? Non. Il y a une hikma s'ils ont dit ça. Il y a une maslaha, il y a un bien s'ils l'ont dit. Donc c'est la preuve que c'est permis. Il est permis quelquefois de dire le bien qu'on fait, hein, ou bien on peut le dire pour motiver les gens par exemple. Hein, ou bien pour faire comprendre à la personne ce que l'on a vraiment voulu dire. Ce que l'on a vraiment voulu dire. وقال الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. القرآن. Et il a appris à Adam tous les noms de toutes choses. Puis il les présenta aux anges et dit, informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques. Et ils dirent, gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris, certes, c'est toi l'omniscient et le sage. Wa'allama Adam. Adam huwa Abu al-Bashar. Adam, alayhi salatu wa salam, il est le père de l'humanité, Abu al-Bashar. Il est le premier homme et il est une créature qu'Allah Azza wa Jalla a créée de ses propres mains, subhanahu wa ta'ala. وإذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث خلق الله آدم على صورته ما معنى على صورته يعني الضمير إلى من إلى آدم أو إلى الله عز وجل عنك النبي صلى الله عليه وسلم الله كري الله صنيم كري آدم صنيم إيش صنيم صورته هي الضمير ici est-ce qu'il se rapporte à Allah ou il se rapporte à Adam. C'est-à-dire Allah a créé Adam à l'image d'Allah ou Allah a créé Adam à l'image de Adam. اختلف العلماء. قال بعض العلماء على صورته يعني صورة الله عز وجل. يعني أن الله جل وعلا عنده صفات وآدم عنده صفات. وليس كمثله شيء. وقال بعض العلماء خلق الله آدم على صورته يعني على صورة آدم. ولا إشكال ولا شبهة. Les savants, ils ont dit, il a créé Adam à son image. C'est-à-dire qu'Allah, il a des sifats, et bien Allah aussi, il a des sifats. Allah, il a des attributs, et Adam aussi, il a des attributs. Sauf que ce ne sont pas les mêmes. Hein? Allah, il a créé Adam à l'image d'Allah, dans le sens où, les ulama, ils ont dit, Allah, tabaraka wa ta'ala, s'est attribué, par exemple, les yeux, la jambe, le pied, dans le Coran ou la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, le comment il nous est ignoré. Si Allah se les a attribués dans le Coran et la Sunna, on est obligé d'y croire. Le comment, Allah a'alam. Comment il existe, mais Allah a'alam. On ne sait pas parce qu'on n'a pas vu Allah, tabaraka wa ta'ala. Kadalik Adam. Adam a les attributs, sauf que ceux-là d'Adam, on sait comment ils sont, puisque lui, il est la créature. Mais on reste toujours avec la même base. Laysa kamithlihi shay, wa huwa sami'ul basir. Rien ne ressemble à Allah, tabaraka wa ta'ala. D'autres ulama, ils ont dit « à la surati, à la surati Adam ». Allah, il a créé Adam à son image, c'est-à-dire à l'image d'Adam, comme il est. Il l'a créé comme il est, comme vous le voyez. Hein? C'est-à-dire comme à l'image d'un être humain. Taïb. Adam, taïb. « Wa'allama Adam al-asma'a kullaha » الأسماء يعني الألف واللام في الأسماء c'est pour appuyer le sens de كلها c'est-à-dire tous les noms. Allah عز وجل a appris tous les noms à Adam عليه الصلاة والسلام. طيب اختلف العلماء إذا قال الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها كلها يعني كل الأسماء أو الأسماء خاصة في زمان آدم عليه الصلاة والسلام يعني الأسماء والأشياء في زمان آدم عليه الصلاة والسلام أو الأسماء والأشياء في كل مكان وزمان ها؟ الأسماء كلها il lui a appris tous les noms كلها il y a des savants ils ont divergé ils ont dit est-ce que c'est tous les noms de toute chose qui existera حتى تقوم الساعة ou bien c'est le nom de toutes les choses qui sont à l'époque de Adam et dont il aura besoin. Hein? C'est ce qui est de son époque. C'est ce qui est de son époque. يعني والله أعلم ما يحتاج إليها آدم وبنوه في ذلك الوقت. C'est-à-dire tous les noms des noms qu'Allah aura besoin, que Adam aura besoin, que Adam aura besoin, ainsi que ses enfants à leur époque, et non pas des noms de toutes choses, même des choses qui ne seront pas de l'époque de Adam. C'est ce qui ressort le plus. ثم عرضهم. طيب الله عز وجل ثم عرضهم على الملائكة. Donc ces noms-là, Allah Azzawajal a demandé aux anges hein, de les citer. Citez-moi ces noms-là de telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. In kuntum sadiqin, si vous êtes véridique. Ala al-malaika faqala anbi'uni bi asma'i ha'ulahi in kuntum sadiqin. Nommez-moi ces choses-là par leur nom si vous êtes véridique. Ma hiya al-hikma? Ma hiya al-hikma? هذا الدليل على أن الملائكة أنهم ليسوا محيطين بكل شيء علما ولكن العالم في كل شيء الله جل وعلا وهو بكل شيء عليم. C'est quoi la sagesse de cet extrait qu'Allah Azza wa Jal a appris à Adam les noms et les anges ne connaissaient pas ces noms-là. Premièrement, c'est pour montrer que les anges ne connaissent pas tout. Que les anges ne connaissent pas tout et que seul Allah Azza wa Jal connaît tout. Et Adam ne connaît les choses que si Allah Azza wa Jal lui a enseigné. Deuxièmement, c'était pour répondre à ce qu'ils ont dit. Tu vas créer quelqu'un sur terre qui va y mettre le désordre et qui va y verser le sang. C'était pour leur répondre. Yani, vous ne savez pas la sagesse de ce que je vais créer. Vous ne connaissez pas encore la sagesse. Pourquoi je vais créer Adam, alayhi salatu wassalam. Vous ignorez beaucoup de choses. Donc, étant donné que vous ignorez les noms de ces choses-là, vous ignorez aussi pourquoi je vais le créer. Adam, alayhi salatu wassalam. Taïb. قالوا سبحانك. La première chose qu'ils ont répondu le malaka, c'est qu'ils ont dit قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قالوا سبحانك. Pourquoi ils ont commencé directement par قالوا سبحانك? Pourquoi ils n'ont pas dit directement لا علم لنا إلا ما علمتنا? Nous on a de la science que ce que tu nous as appris. Non, ils ont dit directement قالوا سبحانك. C'est-à-dire يا ربنا لم تفعل هذا إلا لحكمة بالغة. C'est-à-dire notre Seigneur, c'est comme s'il disait à notre Seigneur, si tu fais cette chose-là, il n'y a pas de doute qu'il y ait une grande sagesse là-dessus. Et ensuite ils ont dit لا علم لنا إلا ما علمتنا. Les ulama disent que si les anges ils ont répondu alors qu'eux sont auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, puisque ce sont les anges rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'ils ont répondu لا علم لنا إلا ما علمتنا avec la science qu'ils avaient alors qu'ils sont auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il en est de quelqu'un sur terre qui répond à des questions sans science? Il devrait répondre لا علم لنا إلا ما علمتنا. Il devrait répondre comme les anges ont répondu, nous ne savons que ce qu'Allah nous a appris comme science. لا علم لنا إلا ما علمتنا. Pour ça que As-Salaf al-Salih disait aussi que chaque savant sache qu'il y a plus savant que lui. Fis sama. Yani huwa Allahu jalla wa ala. Que chaque savant sache qu'il a plus savant que lui au-dessus de sa tête, au-dessus des cieux, c'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala. Comme l'a dit Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, il faut être majnoun, il faut être un fou pour répondre à toutes les questions. Il faut être un fou pour répondre à toutes les questions. كذلك الإمام مالك. Un homme il est venu voir, lui a posé une question. L'imam Malik il n'a pas répondu. Or il y a un élève qui était là et qui a déjà entendu l'imam Malik répondre à cette question. Alors quand l'homme il est parti, il est venu le voir, il lui a dit Cheikh, comment ça se fait tu ne lui as pas répondu à cette question alors que je t'ai déjà vu répondre à cette question? Il a dit parce que lui il me pose cette question, il n'est pas concerné. Et ce n'est pas une question qui lui sera profitable, alors je ne réponds pas. Avec l'imam Ahmed, il a entendu quelqu'un qui répondait à toutes les questions qui lui étaient posées. L'imam Ahmed il a détesté ça. Il lui a dit, qu'est-ce que t'as? Il a dit, celui-ci, il répond à toutes les questions. Il a dit, la cause qui lui fait répondre à toutes ces questions, c'est Hubb al-Dunya. C'est l'amour de ce bas monde qui lui fait répondre à toutes les questions. L'imam Ahmed il a détesté cet homme-là pour ça. La ilma lana illa ma allamtana. دونك اعتراف من الملائكة أنهم ليسوا يعلمون إلا ما علمهم الله جل وعلا، وهذا مع أنهم ملائكة مقربون إلى الله عز وجل. Ils sont des anges rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala et pourtant ils ne savent que ce qu'Allah leur a appris. Alors qu'ils ont une place élevée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. ثُمَّ قَالُوا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ذو العلم الواسح الشامل المحيط بالماضي والحاضر والمستقبل. Allah عز وجل a cette science qui est vaste, qui englobe toutes choses, aussi bien sur le passé que sur le présent et que sur le futur. والحكيم ذو الحكمة والحكم. Allah عز وجل a la sagesse et Allah عز وجل هو العليم الحكيم. من الفوائد, parmi les bonnes idées que l'on retire de ça, il y a la preuve que certaines des créatures d'Allah savent des choses que d'autres créatures d'Allah ne savent pas. La preuve, c'est que Adam alayhi salatu wassalam connaissait les noms des choses, alors que les anges ne connaissaient pas les noms de ces choses-là. C'est la preuve qu'Allah azawajal apprend à certaines créatures des choses que d'autres créatures ne savent pas. Min al-fawahid, afin de contredire une légende que beaucoup de musulmans croient. Certains pensent que et croient qu'Allah tabaraka wa ta'ala, que l'ange, que l'homme a appris la langue en écoutant des sons, en écoutant des arbres, en écoutant le vent, en écoutant les animaux, tous les bruits qu'il a entendus, il s'est servi de ces sons-là pour essayer de reproduire ces sons-là et de nommer les choses selon le son qu'ils avaient. Ça c'est faux. C'est faux. C'est Allah Azza wa Jalla lui-même qui a appris à Adam les noms des choses. Adam, il n'a pas trouvé ces noms-là tout seul en écoutant et en s'inspirant des sons de certaines choses et pour dire cette chose-là va s'appeler comme ça parce qu'elle fait tel bruit. Ou cette chose-là va s'appeler comme ça parce qu'elle fait tel bruit. Non. Ça c'est faux, c'est Allah tabaraka wa ta'ala lui-même qui a enseigné à Adam alayhi salatu wa salam les noms de toutes ces choses-là. Fi dalil ala anna al malaika tatakallam. Il y a la preuve que les anges parlent. La preuve elle est dans le verset. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana subhanak. Ils disent, s'ils disent c'est qu'ils parlent. C'est la preuve que les anges parlent. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا le fait qu'Allah عز وجل a dit قالوا, qui ici montre que les anges parlent, c'est Allah عز وجل. Donc on est obligé de croire puisque c'est dans le Coran et le Coran كلام الله عز وجل. Le fait que les anges savent à quelle place ils sont puisqu'ils disent لا علم لنا إلا ما علمتنا, nous ne savons que ce que tu nous as appris. Donc les anges savent la place qu'ils occupent et qu'ils ont. La yastakbirun, ils n'ont pas d'orgueil. Les anges n'ont pas d'orgueil. طيب. ثم يقول الله عز وجل قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Dans le verset 33, Allah تبارك وتعالى dit ô Adam, puis il dit Allah عز وجل ô Adam, informe-les de ces noms. Puis quand celui-ci eut informé de ces noms, Allah dit, ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم القائل في قول الله عز وجل قال هو الله جل وعلا. Celui qui dit ici قال يا آدم من هو الله عز وجل ويقول سبحانه وتعالى يا آدم. Celui qui dit ici, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. آدم هو أبو البشر، وما معنى اسم آدم؟ ما معنى اسم آدم؟ من الأدمة، الأدمة سي كم لا بو، سي لا بو. Parce qu'Adam il est fait de terre et c'est devenu à l'azur on a fait de la chair avec la peau. Al-Udma, ça vient de la peau. C'est-à-dire, Al-Udma c'est quoi? C'est la peau, mais c'est une peau qui a une couleur bayn al-bayad ou al-sawad, ou al-aswad. Bayn al-abyad ou al-aswad. C'est une couleur entre le blanc et le noir. C'est une couleur entre le blanc et le noir. C'est là l'origine du mot Adam. Adam, fil l'aura, min al-udma. Al-udma. Thumma qal, falamma ambahum bi asma'ihim. Yani al-malaika. Qala Allahu azza wa jal, alam aqul lakum. Ne vous ai-je pas dit? Hada al-istifham, huna li-taqrir. Yani c'est. Ne vous ai-je pas dit, c'est pas un étonnement. Ici, c'est pour confirmer, en vérité. Allah Azzawajal, pour confirmer, hein, qu'Allah Azzawajal, alam aqul lakum, c'est pour confirmer qu'Allah Azzawajal sait bien toute chose. Inni a'lamu ghaib as-samawati wal-ard. Je connais l'invisible des cieux et de la terre. Wa a'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Ma tubduna, ce que vous laissez voir. Je le sais. وَمَا تَكْتُمُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ et ce que vous cachez. وَالْعَلِيمُ الْخَبِيرُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالْعَالِمُ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى هُوَ يَعْلَمُ الظَّاهِرُ وَالْخَبِيرُ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى هُوَ يَعْلَمُ الْبَاطِنُ. الله عز وجل il est عالم savant parce qu'il sait, il voit, il sait ce qui est apparent. والخبير il est informé parce qu'il est informé de ce qui est caché سبحانه وتعالى. الفوائد اولا اثبات القول لله جل وعلا قال يا ادم وانه بحرف وصوت مسموع لان ادم سمعه وفهمه. Ici on a la preuve qu'Allah عز وجل parle et qu'il dit. Puisqu'il dit « Qala ya Adam ». Allah Azza wa Jalla s'est attribué lui-même le verbe « Qala wa qala ya Adam hein? ». C'est-à-dire Allah Azza wa Jalla a dit « Ô Adam » par l'être, par une voix qui a été entendue et que Adam a entendu et a compris venant de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. وفي عقيدة أهل السنة والجماعة وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة والسلف الصالح أن الله جل وعلا يتكلم بكلام مسموع. عقيدة أهل السنة c'est que les gens de la Sunna والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ils croyaient avec certitude qu'Allah سبحانه وتعالى parle mais qu'il parle par une parole qui est entendue. Sinon comment veux-tu que sa créature le comprenne? Comment veux-tu que ces prophètes le comprennent si Allah Azza wa Jalla parlerait d'une voix que l'on n'entend pas? Allah Tabaraka wa Ta'ala a permis à Adam d'entendre la voix, sa voix d'Allah, la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min al-fawa'id bayan umum 'ilmi Allah jalla wa ala. أعلم غيب السماوات والأرض ولا يعلم الغيب إلا الله. الله عز وجل connaît l'invisible. Tout ce qui est caché, tout ce qui est caché, tout ce qui est caché, Allah عز وجل le sait. Quelle que soit la chose. Dans une nuit noire, la nuit noire, يعني في الظلمات. Dans un endroit noir où on voit rien, Allah Azza wa Jalla sait ce qui se passe. Subhanahu wa ta'ala. Chaque chose qui se trouve fi samawati wal ard et qui est cachée, Allah Tabaraka wa Ta'ala le voit. Le sang qui coule dans tes veines, Allah Azzawajal le voit. Subhanahu wa ta'ala. Wassami' al-basir. Le sang qui coule dans tes veines, Allah Azzawajal l'entend. Subhanahu wa ta'ala. Puisqu'Allah Azzawajal voit tout et entend tout. S'il voit Sami' al-basir, s'il entend et il voit, hein, cela signifie que ses noms sont parfaits et ses attributs parfaits. Ça veut dire que rien n'échappe à sa vue ou rien n'échappe à ce qu'il entend. Subhanahu wa ta'ala. Taïb. Min al-fawa'id al-dalil ala, il y a la preuve qu'on a plusieurs ciels. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit وَأَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ الْجَمْعُ. Ici on a samawat, donc c'est un pluriel. Donc on a bien la preuve ici que il y a plusieurs ciels. وَالْأَرْض. Mais ici dans ce verset, Allah Azza wa Jalla n'a mentionné qu'une seule terre. Tayyib. Alors que Allah tabaraka wa ta'ala ici, lorsqu'il a mentionné l'ard, alors qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans un autre verset, Allah ladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna. Allah a créé sept cieux, et il en a fait de même pour la terre, c'est-à-dire sept terres. Kayfa al-jam'u baynahuma? Comment on va rejoindre ces deux versets? Dans un verset, il dit sept cieux, les cieux et la terre, il est mufrad, il est une terre, alors que dans l'autre verset, il a dit, il y a sept terres comme il a créé sept cieux. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a désigné ici, وَأَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْنِي الْجِنْسِ, l'origine de la terre. C'est-à-dire, il a désigné la terre ici dans son origine, et non pas dans le nombre. Alors que dans l'autre verset, فِي سُورَةِ الطَّلَاقِ, c'est le dernier verset de cette surah, اللَّهُ خَلَقَ الَّذِي خَلَقَ السَّبْعَ السَّمَوَاتِ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ, c'est-à-dire, il a créé sept cieux. Il en a fait de même pour la terre, c'est-à-dire sept terres. Hein, ici, il a bien mentionné le nombre. Alors que dans l'autre verset, il mentionne l'origine de la terre. Taïb. Les sept terres, ils ont divergé les savants. Certains, ils ont dit sept couches de terre. D'autres, ils ont dit sept terres, on le prend comme il est. D'autres, ils ont dit sept couches de terre. Quant au athar qu'il aurait rapporté à Abdullah ibn Abbas, et qui n'est pas authentique, qui se trouve dans le tafsir ibn Kathir, mais il n'est pas sahih. Hein, comme quoi sur chaque terre il y aurait un Adam, un Nuh, un Moussa, un Isa, un Mohammed. Hada laysa bi sahih. Ghayru sahih. Al-fa'ida. Une autre fa'ida, c'est que les anges cachent des choses comme ils montrent des choses. Ad-dalil. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Je sais ce que vous dévoilez et ce que vous cachez. Donc ici, Allah Azza wa Jalla a bien donné et a bien montré que les anges montrent comme ils cachent. Inni a'lamu wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Je sais ce que vous dévoilez, ce que vous gardez caché, secret. Yani. وهذا الدليل على أن الله جل وعلا عالم بما في القلوب. الله عز وجل sait ce qu'il y a dans les cœurs. Que la chose elle soit apparente ou elle soit cachée, Allah تبارك وتعالى il sait ce qu'il y a dans les cœurs. وإذا قال قائل ما هو الدليل على أن الملائكة لها قلوب. C'est quoi la preuve que les anges ont des cœurs? الدليل في قول الله عز وجل في سورة السبأ verse 23 حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Dans ce verset, Allah عز وجل parle des anges. Il dit quoi? عن قلوبهم, dans leur cœur. قالوا ماذا قال ربكم. Qu'a dit votre Seigneur? Ils ont dit, qu'a dit votre Seigneur? Et ils ont dit, il a dit la vérité. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Hein? Il est le très élevé et le grand. Subhanahu wa ta'ala. إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ. Ici, Allah Azza wa Jal, وَصَفَ بِالْقُلُوبِ. Il a donné comme attribut ici aux anges le fait qu'ils aient, عَنْ قُلُوبِهِمْ, Donc ils ont des cœurs. والدليل العقلي هذا الدليل شرعي الكتاب في القرآن والدليل العقلي الدليل العقلي ce qu'on appelle عقلي par la raison c'est que toute personne qui comprend qui a l'aql c'est qu'elle a un cœur. لماذا؟ لأن العقل هو في القلب ولا في الرأس ولا في المخ. La preuve c'est que toute personne qui raisonne, ça prouve qu'elle a un cœur. Parce que la raison, elle ne se trouve pas dans la tête, comme beaucoup le croient, ou dans le cerveau. Elle se trouve dans le cœur. Elle se trouve dans le cœur. Pourquoi ? Parce qu'Allah Azza wa Jalla, dans un autre verset, il a bien mentionné des cœurs par lesquels il raisonne. Des cœurs par lesquels il raisonne. Bima yaqiloun. Yaqiloun, yani l'aqal. Wa l'aqal fi l'qalb. Cheikh Ibn al-Uthaymeen, quand il expliquait, il a dit le cerveau, il n'est que le secrétaire. Le centre, c'est le cœur qui va transmettre. Tu vas raisonner avec ton cœur et tu vas transmettre au cerveau, et le cerveau n'est que le secrétaire qui lui va ordonner au reste du corps. Mais le centre, c'est le cœur. هذا الدليل شرعي بالكتاب بكتاب الله عز وجل. Il l'a prouvé par le verset du Coran. Des cœurs par lesquels il raisonne. القلوب, des cœurs. Bima yaqiloun, par lesquels il raisonne. Yaqiloun, yani l'aql, la raison. Wa dalil l'aqli, dalil l'aqli, dalil qui prouve que l'aql huwa fil qalb, wala fil ras, wala fil mukh, c'est lorsqu'on t'annonce une bonne ou une mauvaise nouvelle, le premier sentiment que tu ressens, c'est dans le cœur. Quand on t'annonce une mauvaise nouvelle, tu as une pointe au cœur. C'est bien la preuve que l'aql, il est fil qalb. Quand on t'annonce une mauvaise nouvelle, c'est pas la tête que tu as mal en premier, c'est comme une pointe au cœur. Et là, de même, quand on t'annonce une bonne nouvelle, tu ressens une. Quand certains disent, mon cœur, il a failli sortir de la poitrine, tellement il était content. C'est le dalil aqli. Hadha huwa dalil aqli. Allahu Azza wa Jal. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَإِذْ قُلْنَا et lorsque nous avons dit, c'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala, وَنَّا نَا وَالتَّعْظِيمِ ce na qui est utilisé ici, الضمير الجمع من باب التعظيم كما هو معلوم. Ici, le na qui est utilisé, nous avons dit, c'est-à-dire le na de majesté, nous, c'est-à-dire le nous de majesté. Allah subhanahu wa ta'ala. Lil malaika, donc aux anges, zjudu li adam, as-sujud ala l'ard. C'est-à-dire prosternez-vous as-sujud ou as-sujud ala l'ard. Prosternez-vous sur la terre. Wa laysa al-muradu bihi hunna ar-ruku'. Li'anna Allah jalla wa ala farraqa bayna ar-ruku'i was-sujud. Fi qawli Allah 'azza wa jalla tarahum ruk'an sujada. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. Ici السجود c'est bien السجود, c'est-à-dire par terre et non pas ركوع, ce n'est pas l'inclinaison, puisqu'Allah عز وجل a bien fait la différence entre la prosternation et l'inclinaison quand il a mentionné au Coran تراهم ركعا سجدا, tu les as vus et lorsque tu les vois inclinés et prosternés. Donc ici Allah عز وجل a ordonné السجود. فسجدوا ici fa huna li tartib, ici on voit bien que ils se sont prosternés immédiatement. Pourquoi? Li qawli Allah azza wa jalla fa sajadu li adam fa sajadu. Le fa ici c'est pour marquer que ça se fait tout de suite. Donc ça prouve bien que le malaïka, à peine avoir entendu l'ordre, se sont prosternés immédiatement. Illa Iblis, wa ismuhu Iblis, li'annahu ablasa min ar-rahmatillahi azza wa jal. Ma ma'na Iblis, ablasa min ar-rahmatillahi azza wa jal. C'est-à-dire, il ne peut pas avoir, il n'espère plus la miséricorde d'Allah. Ablasa min ar-rahmatillahi. C'est pour ça qu'il s'appelle Iblis. Pourquoi il s'appelle Iblis? Parce qu'il n'espère plus la miséricorde d'Allah. Certains savants disent que ce n'était pas son nom d'origine. Ce n'est pas son nom d'origine. Il n'a eu ce nom qu'à partir du moment où il a refusé la prosternation, mais qu'il aurait eu un autre nom avant. Et celui qui lit bien le Coran ici verra quoi? Wastagbara, yani, il a eu de l'orgueil. Wakana min al kafirin. Wamakallahu azza wa jal, wayakunu min al kafirin. Et il est parmi les mécréants. Non, Allah azza wa jal l'a mis au passé. Wakana. Et il était parmi les mécréants. Pourquoi? Parce qu'auprès d'Allah, il était déjà parmi les mécréants. Parce qu'Allah azza wa jal savait à l'avance qu'il allait être kafir. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit Wakana, yani, indallah, kana min al kafirin. À ce moment-là, il n'est pas kafir, mais vis-à-vis d'Allah, il est déjà kafir depuis bien longtemps. Puisqu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit « wa kana min al-kafirin » yani « kana min al-kafirin fi ilmillahi azza wa jal » par rapport à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, il était déjà kafir. C'est pour ça qu'Allah azza wa jal قال « wa kana wa maqal wa yakunu min al-kafirin » il l'a bien dit au passé, et il était parmi les mécréants. Il était parmi les mécréants parce qu'Allah Azza wa Jal savait déjà bien à l'avance qu'il allait devenir kafir. Donc par rapport à la science d'Allah, il était déjà kafir. Wa kana min al-kafirin. Hadhihi fa'idatun. Tayyib. من الفوائد يا رحمك الله بيان فضل آدم على الملائكة. Ici on a la preuve que lorsqu'Allah Azza wa Jal a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam, on a bien la preuve que Adam est meilleur que الملائكة. وخلاف بين العلماء من هو الأفضل الملائكة أو الرسل عليهم الصلاة والسلام. الراجع إن شاء الله الرسل. Une divergence entre savants. Certains, est-ce que c'est les anges qui sont meilleurs que les prophètes ou les prophètes sont meilleurs que les anges? Certains, ils ont dit, c'est les prophètes qui sont meilleurs que les anges. Et le dalil, il est là. Fasajadou, ils se sont prosternés devant Adam. Or, celui qui se prosterne est moindre que celui devant qui on se prosterne. Tayyib. Les autres savants, ils ont dit, ça, c'est pas un dalil, ce que vous ramenez. On se prosterne bien devant la Kaaba, et la Kaaba, elle n'est pas meilleure que le musulman. Ils répondent. Les autres amènent un autre argument, disant, Al-Malaika la yastakbirun. Les anges ne peuvent pas désobéir. Donc à partir du moment où ils ne peuvent pas désobéir, il n'y a pas de doute qu'ils peuvent être que dans le... Ils ont moins de mérite qu'un homme qui lui peut désobéir et qui a des faiblesses et qui pourtant il est dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme il a dit Omar al-Khattab radiallahu anhu, celui qui est tenté par un péché qui ne le fait pas est meilleur que celui qui n'a jamais été tenté par le péché. Fahimtum? Wallahu alam, celui qui veut plus d'informations là-dessus, c'est bien décrit et bien détaillé dans l'Aqida al-Tahawiyya. Il y a un chapitre là-dessus. Il verra bien l'adillah. Il y a beaucoup d'adillah là-dessus. Et chacun a son avis. Et chacun défend son avis. C'est intéressant, mashallah. Min al-fawaid, anna al-sujud li ghayrillahi azza wa jal idha kana bi amrillahi tabaraka wa ta'ala fa huwa ibada. La prosternation, lorsqu'elle est ordonnée par Allah devant un autre qu'Allah, c'est une ibada. Pourquoi? Parce qu'Iblis l'a refusé. وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Il s'est enorgueilli sur l'ibada, sur l'adoration. Il est devenu kafir pour avoir refusé de se prosterner. Pour avoir refusé de se prosterner. On dit que Iblis, il n'y a pas un seul endroit, وَلَا فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ sans qu'il a fait un sujoud à Allah subhanahu wa ta'ala. Sans qu'il ait fait une prosternation à Allah. Jusqu'à ce que, lorsque le malaka, ils ont dit, ceux qui sont avant que tu crées l'homme, ceux-là, ils ont fait le désordre sur terre et ils ont versé le sang. Certains ulama mentionnent que c'est bien la preuve que avant les hommes, il y avait quelqu'un qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ont dit c'est les djinns. Et certains savants, ils ont dit, étant donné qu'Allah, il est Allah al-Ilah, il est la divinité suprême, le seul digne d'être adoré, et qu'il a cette sifat, ça voudrait dire qu'il a toujours été adoré. Subhanahu wa ta'ala. Certains, ils ont dit, il a été adoré par les anges. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y avait d'autres créatures avant les djinns, ou bien avant les hommes. Les anges eux-mêmes, ils adoraient Allah, subhanahu wa ta'ala. La question qui est posée, c'est comment les djinns ont adoré Allah alors que le premier prophète, c'est Adam, et que les djinns étaient là avant Adam. Cheikh Ben Baz, rahimallah, il a répondu en disant, il se peut que, étant donné qu'eux, ils ne sont pas faits comme l'homme, qu'ils aient une sharia bien précise à eux. Comme Allah Azza wa Jalla a donné une sharia bien précise au peuple. Comme les peuples étaient différents, ils n'avaient pas la même sharia. La même législation. Alors il se peut que eux, comme eux, ne sont pas comme nous, ils n'aient pas la même législation que l'être humain. Il a dit, il se peut aussi qu'il leur suffisait de regarder le malaïka, de voir les anges, comment ils adoraient Allah pour faire la même chose. Ou tout simplement, peut-être qu'Allah Azza wa Jalla l'aura révélé directement lui-même, il leur a appris comment l'adorer. Wallahu alam. Et Allah est le plus savant là-dessus. Voilà comment il a répondu, Cheikh Abdelaziz Ben Baz, rahimallahu ta'ala. Et donc Iblis, il avait une science que les anges n'avaient pas. Il était le djinn préféré d'Allah, subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'il lui ait donné une grande place. C'est que quand les djinns ont commis le désordre sur terre, il a envoyé une armée d'anges avec à leur tête Iblis, pour les correctionner, pour les châtier sur terre. Et lorsqu'il a vu la création d'Adam, alors qu'il n'y avait pas encore roh, il n'y avait pas encore l'âme dedans, il a tourné autour. Par curiosité, il cherchait à savoir qu'est-ce que c'est que ça. C'est quoi cette créature? C'est quoi cette nouvelle création-là? Qu'est-ce qu'elle fait dans cette création? C'est là que le hasad a commencé à venir en lui. C'est là que la jalousie a commencé à arriver en lui. Il s'est dit comment une créature qui n'a même pas fait une seule adoration envers Allah, tabaraka wa ta'ala, elle va devenir le calife sur terre. Alors que moi, j'ai toujours adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Wastakbara. Cette jalousie, elle l'a poussé à avoir quoi? L'orgueil. Et le premier à avoir fait l'qiyas, c'est Iblis. L'qiyas. Une analogie. C'est le premier à l'avoir fait, mais il s'est trompé. Mada qal? Khalaqtani min nar. Tu m'as créé de feu. وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينَ. Tu l'as créé de terre. Donc je suis meilleur que lui. Or il s'est trompé. Lequel éteint l'autre? Est-ce que c'est le feu qui éteint la terre ou c'est la terre qui éteint le feu? Tu prends la terre, tu éteins le feu avec. Le feu, pour éteindre la terre, pour éteindre, ça ne sert à rien. Le feu, c'est la mort. C'est tout ce qui est la mort. Quand le feu, il passe sur quelque chose, la chose, elle est morte. Alors que la terre, c'est la vie. Donc il s'est bel et bien trompé dans son qiyas. Il est la première créature à avoir fait Al-Qiyas. Il y a que la science qui est là, il s'est trompé. Puis il s'est enorgueilli et il est devenu kafir. Il est devenu kafir. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jal ordonne une prosternation vers un autre qu'Allah, ça devient une ibadah. C'est un ordre qu'Allah leur a donné. Et ici, il l'a donné, certains ils se sont trompés, c'est qu'ils ont été dire que Iblis c'était donc bien un ange, puisque l'ordre il est donné aux anges. وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. Et lorsqu'il dit aux anges, prosternez-vous. En vérité, tu l'auras, quand tu t'adresses à quelqu'un, quand tu t'adresses à un groupe, ici il s'est adressé à tout le groupe, y compris ceux qui étaient dans ce groupe-là. Mais il ne pouvait pas être parmi les anges. Parce que les anges, là, yastakbirun. Les anges ne peuvent pas s'enorgueillir, Allah dit en Coran. Or, Iblis, wastakbara, il s'était enorgueilli. Wa qala Allahu azza wa jalla ala Iblis, wa kana min al-jinn, fi surat al-Kahf. وكان من الجن. Il était parmi les djinns. الله أعلم في سورة الكهف. الكهف ها؟ سورة الكهف. وكان من الجن. Il était parmi les djinns. Donc c'est bien دليل qu'il n'est pas un ange. وهذا الدليل عند العلماء الذين يقولون أن من ترك الصلاة فهو كافر. قال الإمام أحمد رحمه الله كفر إبليس لأنه ترك السجود أمام آدم. سجود فقط. كيف لمن ترك السجود أمام الله عز وجل والصلوات الصلوات الخمس. آدم إبليس est devenu كافر parce qu'il a refusé un sujoud seulement, un seul sujoud devant Adam. Qu'est-ce qu'il en est de celui qui refuse de se prosterner et de faire la prière devant Allah subhanahu wa ta'ala? C'est un dalil qawi. Tayyib. Une autre chose qui montre que c'est lorsqu'Allah azza wa jalla ordonne la chose, elle devient ibadah, alors que cette chose-là, si tu l'as fait pour un autre qu'Allah, c'est shirk. Al-dhabhu. Le fait d'égorger. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a ordonné à Ibrahim d'égorger son fils Ismaïl, lorsqu'il lui ordonne, c'est une ibada. Or, égorger pour un autre qu'Allah, hein, c'est, ça rentre dans shirk. Et égorger un être humain, c'est min al-kaba'ir. C'est comme un meurtre. Sauf que là, si Allah Azza wa Jalla l'a ordonné ici à Ibrahim, c'est devenu une ibada pour lui. Parce qu'Allah Azza wa Jalla lui a ordonné à Ibrahim, alayhi salatu wa salam. Mais en dehors de ça, est-ce que c'est permis? Non, c'est pas permis. Mais ici, Allah Azza wa Jalla lui avait ordonné. Donc c'était une ibada. À partir du moment où Allah Azza wa Jalla l'aura ordonné, c'est devenu une ibada. Wa Iblis, a'udhu billah minhu, Allah Azza wa Jalla lui a donné plusieurs sifat, rien que dans ce verset. Wa stakbara wa yaqul Allah Jalla wa ala, إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى واستكبر وكافر. ثلاث صفات. أبى واستكبر وكافر. لماذا؟ الاستكبار عن الحق وعلى الخلق والكفر. Il a eu l'orgueil sur la vérité, عن الحق, par rapport à la vérité, l'a rejeté. وعلى الخلق, il s'est enorgueilli sur la créature parce qu'il pense qu'il est meilleur que Adam. Donc il s'est vu au-dessus de Adam, ou al kufr, et donc la mécréance. Wa qala ana khayrun minhu, et je suis meilleur que lui. Donc il a pensé qu'il était meilleur que Adam. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.